Alors maintenant, nous sommes avec Shani. Shani, tu es avec nous? Oui. Je vais te laisser toi-même te présenter, en fait. Parfait. Donc, je m'appelle Shani Roy et puis je suis militante depuis 5 ans sur la question là, de l'exploitation sexuelle et puis les questions féministes en règle générale et les questions aussi là, en lien avec l'extrême gauche. Puisque ben, la question de la prostitution est évidemment une lutte qui est transversale, à mon avis, là, c'est-à-dire de repenser la société d'une façon globale. Donc, voilà, en gros. Sinon, là, j'ai un petit contrat de travail pour un organisme qui travaille sur cette question. Et c'est dans ce cadre-là là, que, présentement, on travaille avec une campagne. Là, j'ai été un peu lancée là-dedans. Là, je dois avouer que j'ai utilisé cette campagne-là pour surtout promouvoir une manifestation. Mais en fait, là, la campagne rejoint là, plusieurs organismes qui travaillent là, sur la question d'exploitation sexuelle, et puis on décide de faire une campagne là, un peu plus forte là, cette année pour sensibiliser en fait au fait que ben le fameux slogan là, acheter du sexe n'est pas un sport, mais qui va bien au-delà de ça de mon point de vue. Ouais, j'ai tout plein de textes devant moi de toi, mais je veux pas te lire en onde puisqu'on t'a avec nous. Alors oui. Je te demanderai, c'est quoi cette manifestation et pourquoi elle a lieu? Ça fait 4 ans, en fait. Je pense qu'il y a eu une petite pause, mais depuis 2012, en fait, là, il y a des manifestations, mais en fait, je co-organise, là, ou pas, des manifestations sur la question de l'exploitation sexuelle dans le cadre du Grand Prix. Et puis, ben comme c'est cette année aussi, là, je me reprends, justement, dans le cadre là, de mes fonctions, mais en fait, ça fait 4 ans, là, que j'essaie de sensibiliser, en fait, la population ou les gens de gauche et peut-être aussi attaquer les gens de droite, mais sur en fait le fait que le tourisme sexuel et l'exploitation sexuelle en fait est exacerbé durant le Grand Prix. Et mais veut pas à chaque fois on parle de la prostitution toujours pendant ces 2 semaines là, mais c'est bien évidemment à l'année longue, c'est juste que c'est comme ça atteint comme un pic en fait là de l'année. Donc c'est pour ça qu'on profite en fait de cette occasion là pour pouvoir là, vraiment mettre le paquet pour sensibiliser les gens, mais évidemment c'est à l'année longue que ça se passe et qu'il y a un travail terrain qui est fait de sensibilisation, mais aussi d'essayer de créer des alternatives là, concrètes à la prostitution. Mais en fait nous on a un message qui veut en fait que il y ait davantage là, de réseaux, de solidarité autour des femmes qui sont à risque, en guillemets, là, de rentrer dans la prostitution, des femmes qui veulent en sortir, des femmes qui y sont. Donc, ça peut être, je veux dire, il y a plusieurs débats là-dessus, mais ça peut être, par exemple, augmenter le salaire minimum à 15 $, ça peut être améliorer les conditions de travail, ça peut être permettre de ne pas travailler aussi avec un revenu minimum garanti ou plein d'autres alternatives. Donc c'est aussi en fait là j'ai cru comprendre peut-être qu'il y avait eu mention là de l'enjeu peut-être de la gentrification. Donc ça aussi là ça fait que les femmes ben peuvent plus payer leur loyer, les jeunes femmes aussi, les adolescentes, donc c'est clair que ça les met plus à risque de la prostitution. On peut penser aux frais de scolarité aussi. Je veux dire, moi, je côtoie de plus en plus de femmes qui doivent se prostituer pour pouvoir continuer à étudier. Donc, toutes ces questions-là, en fait, et la question de l'austérité aussi, elle est bien là. On peut voir par rapport à l'aide sociale, les coupures là, et l'obligation de travailler, bien, des femmes qui sont en prostitution ou qui veulent en sortir, par exemple, et qui ont besoin de prendre soin d'elles, ben ça va les forcer à tout de suite rentrer sur le marché du travail, de pas prendre soin d'elles, et que ça va être pas un mécanisme là, d'employabilité qui va être inclusif de leur vécu, etc. Donc, ça amène plein d'enjeux là, de cette nature-là. Donc, en gros, c'est ça. En fait, c'est vraiment pour attaquer une industrie qui est comme un malheureusement un filet social en fait, si on peut dire ça comme ça, et ça ne devrait pas l'être. Donc les femmes, bon, faute d'autres alternatives et de mesures là, concrètes pour elles, se retrouvent donc dans la prostitution. Grosso modo, là, c'est un peu ça qu'on veut. On veut là, sensibiliser. Puis notamment, là, c'est juste que le Grand Prix, il y a un recrutement qui se fait des mois à l'avance, et puis Ça va vraiment chercher des adolescentes, mais comme aussi des femmes précaires de tout type, en fait. Puis c'est aussi une industrie qui s'inscrit dans un capitalisme mondialisé aussi, et qui est aussi un système qui est profondément donc raciste, évidemment, sexiste, évidemment, capitaliste, évidemment, mais donc qui est raciste, mais colonialiste aussi, parce qu'on voit quand même là que évidemment, là, les femmes autochtones sont vraiment surreprésentées et que ben, c'était pas une pratique entre guillemets là, traditionnelle de leur peuple en fait. Et puis c'est aussi ça qui est à dénoncer là. On peut penser là avec toute l'enquête qui a lieu présentement par rapport aux femmes de Val-d'Or, par rapport aussi aux plus de 1000 femmes là, autochtones là, disparues ou assassinées. Donc ça va toucher beaucoup de choses, voilà. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous définir dans les grandes lignes, ou plutôt dire qu'est-ce que c'est pour toi le Grand Prix, genre avec détail, par rapport à la question des femmes? Oui, en fait, ben, évidemment, le Grand Prix, là, pour avoir été escort durant un Grand Prix, mais pour aussi côtoyer là, des centaines de femmes à travers là, mon parcours aussi de militance qui ont ou qui sont été dans la prostitution, en fait, c'est vraiment... ça va être les bars de danseuses là, premièrement, qui d'ailleurs les bars de danseuses sont de moins en moins populaires puisque les clients veulent de plus en plus avoir l'anonymat évidemment, et puis en fait qu'est-ce qui arrive, c'est que les bars de danseuses ont vraiment profité du Grand Prix pour faire là, vraiment une bonne partie de leur argent puisque une industrie qui est un peu là, de moins en moins lucrative, bien qu'elle est encore lucrative. Donc, ça va être du recrutement, des annonces bien avant le Grand Prix, mais ça va être aussi là, de faire venir toutes les filles. Là, je veux dire, des fois, il y a peut-être normalement, je parle d'un bar de danseuse moyen peut-être, là, à Montréal, dans le centre-ville. Mais il y a peut-être, mettons, normalement une quinzaine de filles maximum. Mais là, on peut parler de 30, même des fois jusqu'à 45 filles qui peuvent être présentes. Et puis là, ça, c'est sur des longues heures. Donc, ça peut commencer là en après-midi et se finir très tard la nuit. Donc, et je veux dire, c'est du 12 heures des fois. Et puis, on parle là, de une journée avant le Grand Prix à les deux jours là, du Grand Prix au lendemain aussi, c'est pendant 4 jours et ben le service bar là en guillemets les femmes doivent payer ben, pour les faire exploiter mais doivent payer le service bar qui coûte plus cher et puis en fait les consommations coûtent plus cher, évidemment le prix d'entrée pour les clients va être plus cher. Donc tout ça en fait on réalise que oui, il y aura plus de clients mais il y a aussi plus de femmes. Fait que l'offre et la demande, on parle vraiment d'un marché va comme un peu s'équivaloir mais les profits en fait pour ben les tenanciers là, de bar de danseuses, les propriétaires etc. et puis les collaborateurs là vont vraiment augmenter. Mais évidemment, là, la plupart des femmes, de toute façon, l'argent qu'elles gagnent, ben, ne leur retourne pas nécessairement. Il y a toujours soit un gentil dealer de drogue ou un gentil copain en guillemets là, qui va être tout prêt puis qui va lui dire ben faut que tu fasses tant d'argent, sinon tu reviens pas ce soir ou etc. Et donc évidemment là on parle de femmes aussi qui vont se déplacer donc qui vont partir là de ça peut même être à l'extérieur du Québec là qui mais ça peut aussi à l'intérieur de dans des petites villes qui vont se déplacer à Montréal pour ce grand là, week-end là donc on parle quand même là de et ça peut être donc la traite interne alors et puis donc c'est clair et puis évidemment là, des femmes mineures mais peu importe qu'elles soient mineures ou pas je veux dire ça reste là quand même là, des agressions à répétition là et puis ça fait en sorte là que ben elles ont peut-être un peu plus d'argent des fois ça reste le même des fois même j'ai connu des femmes qui me disaient que ben vu qu'il y avait tellement d'offres parce qu'ils pensaient qu'elle allait avoir tellement de demandes ben finalement elles sont pas faites tant d'argent que ça, mais par exemple, les agences de score, ben, vont modifier leur prix pour faire plus de profit. Mais ça pourrait pas être plus de profit pour les femmes en soi. Là. Ça va être pour le chauffeur et pour le ou la proxénète. Donc, on parle un peu de ça. Il y a les salons de massage aussi, qui est comme vraiment plus populaire. Il y en a comme plus de 200 là, à Montréal seulement. Donc, c'est clair que dans les salons de massage aussi, là, il y aura une modification des tarifs. Puis, c'est clair que les clients qui ne connaîtront peut-être pas en fait les règles du jeu en Guinée, ben ils vont payer plus cher. De toute façon, Montréal est reconnu comme que ça coûte moins cher en fait avoir des services sexuels en Guinée. Donc pour plein de raisons, à cause peut-être d'une proximité avec peut-être des communautés autochtones, avec peut-être de l'immigration. Donc on va toujours essayer de moyenner davantage des femmes qui vont être précarisées, on va essayer que ça coûte moins cher pour elles, parce que c'est comme si c'était inscrit là sous un racisme là, dans leur gène qu'ils doivent être soumis serviables ou sauvages ou bêtes de sexe, etc., etc. Donc il y a clairement ça. Il y a aussi l'aspect de la langue qui rend malheureusement les Frenchy girls, en guillemets, là, les Québécoises blanches plus attrayantes là, pour des anglophones. Donc toutes ces raisons-là, mais évidemment, il y a beaucoup de femmes qui, hors dans le cadre du Grand Prix, vont se déplacer aussi parce que ça coûte vraiment moins cher avoir des services sexuels à Montréal, notamment parce que c'est proche de plusieurs carrefours là, des États-Unis, mais aussi là, c'est quand même plus proche de l'Europe et c'est proche aussi de d'autres grandes villes. Donc voilà. Grosso modo, là, qu'est-ce qu'est le Grand Prix? Puis oui, les agences de sport vont vraiment faire pression pour que les femmes soient, toutes leurs femmes soient toutes présentes, des longues heures, etc. Et sans garantie non plus là, de revenus, etc. Là. Donc, c'est à peu près ça là, qu'on peut voir là, dans le Grand Prix. C'est une augmentation claire là, de l'offre en fonction d'une demande qui est accrue à cause que beaucoup d'hommes qui vont se concentrer au même endroit et qui vont vouloir avoir un trip, c'est-à-dire avoir des chars, des pitounes. C'est vraiment classique. Là. Pour ceux et celles qui disent que la prostitution, c'est un travail comme un autre ou, d'un certain point de vue, une exploitation comme une autre, qu'est-ce qu'ils disent du Grand Prix? Ils, elles? Oui. C'est drôle parce que je parlais à un journaliste il y a deux jours d'ailleurs qui faisait un article justement sur ce genre de débat-là, puis il me posait justement les questions que ces personnes-là, en fait, là, ils répondaient. Donc, je peux nommer en fait les éléments qui ont été récemment dit. Ben que c'est pas... C'est que finalement ça représente pas tant d'argent que ça le Grand Prix, puis que c'est pas tant on fait beaucoup le paquet sur le Grand Prix, mais que finalement ben c'est comme genre comme une semaine comme une autre, tu sais. Puis ben évidemment là à ça je réponds, ben c'est clair que des femmes qui se disent indépendantes, qui ont leur site web, qui ont plus en guillemets là, d'autonomie là-dedans. Ben c'est clair que évidemment ils vont peut-être pas remarquer un changement. Comme je l'ai dit précédemment, il y a une hausse de l'offre. Donc évidemment, ça veut dire que ça s'égalise. Là, c'est pas comme si il y avait donc la même offre pour une demande qui augmente. Donc c'est clair que ça, pour les femmes, ça peut sembler du pareil au même. Mais évidemment, là, c'est clair que t'as des femmes qui vont là, que c'est un coup d'argent, paradoxalement, évidemment, que ça peut être un coup d'argent, que c'est payant, etc. Ben, je veux dire, c'est clair qu'il y a une proportion de femmes qui peuvent réussir peut-être à tirer leur épingle du jeu. Tant mieux pour elles. C'est pas là-dessus que je concentre mon travail. C'est plus sur les milliers de femmes qui elles sont coincées et qui devraient avoir d'autres alternatives et qui pour elles, ben c'est pas leur choix. Donc ça c'est clair, mais évidemment que j'ai connu plusieurs femmes qui, et dont moi-même aussi, qui tenaient un discours de tu sais, c'est mon corps, ma business, mon entreprise, et qui se percevaient là comme ça. Donc évidemment là, c'est clair que c'est plus aidant que dans ce milieu-là d'avoir une pensée en guillemets positive là de la chose. Ça te permet de faire le prochain client avec moins de dissonance cognitive là, moins de rejet, de dégoût. Et puis évidemment ça l'aide à préserver une certaine estime de soi. Donc c'est clair que je peux comprendre vraiment beaucoup, mais c'est clair que dans la profession il y a aussi une hiérarchie, hein. Je veux dire, toutes les expériences ne sont pas pareilles, ça c'est clair. Et puis évidemment là, je veux dire, c'est juste que c'est dommage parce que si on parle par exemple d'une femme racisée qui elle, ben évidemment, on veut juste deux noirs, je veux dire, comme les proxénètes le disent, on veut juste deux noirs dans le bar de danseuse, sinon ça éloigne les clients. Ben je veux dire, c'est clair que ça reste quand même une certaine forme là de violence là. Mais ces femmes là, ben elles peuvent pas nécessairement là, surtout si on peut penser à la drogue, évidemment. C'est quand même la réalité de beaucoup de femmes pour pouvoir là, continuer à vivre. Là. Donc, c'est clair que si on parle là, d'une femme qui ne correspond pas à certains stéréotypes de la femme blanche, classe, éduquée, qui peut en mener plus large, là. Ben c'est clair que évidemment, ben cette femme-là qui est précaire, ben elle ne pourra jamais atteindre le niveau de hiérarchie supérieure parce que c'est ça. Il y a des entraves là, systémiques à ça. Donc c'est clair que tant mieux qu'il y ait des femmes faible pourcentage qui se disent heureuses, etc. Mais au final, ma perspective dans cette lutte-là, c'est pas un discours individualiste. C'est pas, bon, ben tant mieux pour toi, ben on va arrêter de lutter. Hein. Mais non, tu sais, je veux dire, c'est ça. Ça reste qu'il y a beaucoup de femmes qui, non, arriveront jamais à être indépendantes qui vont pouvoir, là, en guillemets, dire bien vivre de tout ça. Non, tu sais, je veux dire, la femme autochtone, par exemple, ben c'est clair que qu'elle sera jamais là, une escorte de luxe, là. Donc c'est ça un peu la réalité. Donc moi c'est un peu à ça que je répondrais à ce genre d'argument là. Évidemment c'est clair que c'est pas elle que je vais attaquer, c'est plutôt l'industrie que je vais attaquer, c'est plutôt le manque d'alternatives, c'est plutôt un système qui s'imbrique dans plein d'autres systèmes qui reproduit une inégalité qu'on peut penser sur le plan là, du sexe, de la race, de la classe, etc. Donc c'est plutôt ça là que j'aurais envie de répondre. Et puis ben comme d'autres formes de violence, là, peut-être qu'elles n'aimeront pas je dis ça, mais comme d'autres formes de violence, par exemple, ben je peux penser à la violence conjugale. Je suis aussi intervenante en violence conjugale et j'ai aussi un enfant qui est exposé à la violence conjugale. Ben évidemment, c'est clair que quand tu es dans cette relation-là, tu sais, ben tu peux dire ben oui, je l'aime, mon conjoint, oui, tu sais, j'aime ça être avec lui, etc., etc. Mais au final, ben reste quand même que c'est de la violence. Donc c'est un peu ça là, que je répondrais. Mais merci. Mais quand je poserais la question pour les gens qui sont en dehors du milieu, est-ce qu'il y a un moyen d'action concret à prendre contre la prostitution, la contrainte à la prostitution? Oui, oui, tout plein. C'est une bonne question. Évidemment, c'est clair que juste d'être déjà sensibilisé, juste de pouvoir avoir une petite alarme là autour de soi, juste déjà ses proches déjà, je veux dire, comme il y a beaucoup de femmes que juste le réseau proche d'elles a été vraiment d'un support incroyable. Donc juste déjà ça, ce qui n'est pas la révolution, on s'entend, mais évidemment ça peut aller aussi ben d'une implication, par exemple évidemment ça peut être s'impliquer à la clé, ça peut être aussi s'impliquer, il y a un collectif de survivantes là qui s'appelle le collectif d'aide aux femmes exploitées sexuellement qui sera à travers le Québec, le CAS, CASES aussi, qui a bien besoin de support. Mais ça peut être aussi juste de supporter la parole des survivantes, évidemment. Mais ça peut être participer à la manifestation qui aura lieu samedi le 11 là, juin à 16h au Square Philips, évidemment. Ça peut être aussi là, de... Il y a tellement de lieux d'exploitation sexuelle là, à Montréal. Ça peut être simplement, évidemment, là, ça peut quand même être juste les clients que vous voyez sortir. Ben, ça peut être une institution. Hein. Ça peut être, comme on a parlé, comme vous avez parlé, c'est plutôt de la diversité tactique. Donc, ça peut être tout de ce type d'action direct là. Évidemment, c'est clair que ça peut être faire des dons à des organismes. Évidemment, participer à plein de luttes sociales comme les luttes contre l'austérité, les luttes pour les droits du travail, tout ce qui est lutte pour le projet de loi 70 par rapport à l'aide sociale. Tout ce genre de lutte-là aide indirectement, évidemment, les femmes qui sont à risque et qui sont dans l'industrie du sexe. Donc, c'est clair qu'il y a toutes ces luttes-là aussi, évidemment, là, qui peuvent être faites. Eux aussi, dans nos propres lieux aussi de militance et d'organisation, ben, ça peut être de lancer une réflexion, en fait, sur la question d'exploitation sexuelle, prostitution, etc. Parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de lieux, que ce soit des lieux non officiels, underground, à des lieux plus officiels, organismes communautaires, etc. Il y a pas beaucoup là, d'espace, bref, politique, qui prennent position sur cette question-là. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de poids qui repose sur des survivantes, dont moi, mais dont plusieurs groupes, etc. Donc, ça pourrait être intéressant de créer aussi donc des espaces, parce qu'évidemment, il y a plein de survivantes qui sont des femmes très engagées politiquement, qui ont un discours, qui aimeraient s'impliquer, mais qu'ils ne peuvent pas parce que c'est trop violent en fait de s'impliquer dans d'autres espaces parce que on va les censurer parce que on va ne pas respecter leur point de vue ni être inclusif de leur point de vue au moins ou sinon avoir une position claire sur la question idéalement. Donc ça serait plusieurs choses qui seraient très faisables là, à court terme là ou à moyen terme de faire. Je te dirais qu'il y a une chose que tu connais comme moi, qu'on se fait souvent dire par rapport aux gens qui luttent contre la prostitution. Comment on lutte contre la prostitution sans lutter contre les prostituées ou les travailleuses du sexe? Oui. Évidemment, c'est toujours de se dire aussi que on ne sait jamais qui est autour de nous dans un espace, par exemple, politique ou un organisme, peu importe. On ne sait jamais qui autour de nous pourrait ou a pu ou est dans l'industrie du sexe. Donc, c'est clair qu'il faut toujours avoir un respect profond. Évidemment, c'est sûr que laisser en fait les femmes là s'exprimer là aussi là, librement, ne pas évidemment là juger, mais clairement qu'est-ce qu'il faut se dire, c'est que j'en ai vu beaucoup là, de femmes dans l'industrie. Je veux dire, j'ai travaillé avec des femmes aussi qui sortaient de prison. Et c'est drôle, mais c'est pas drôle en fait, là, mais plus de la moitié en fait des femmes avec qui je travaillais avaient été dans la prostitution. Et beaucoup, en fait, n'étaient pas très au vent, en fait, des débats sur la question. Elles me disaient toutes, moi, je trouve ça vraiment incroyable des personnes qui disent que c'est un travail. Et elles étaient toutes très en colère, en fait, envers ce discours-là. Et c'est ça. C'est clair qu'évidemment, un certain courant là qu'on pourrait qualifier de pro travail du sexe va dire qu'on a le monopole en fait, etc., qu'on domine le discours, mais c'est pas si vrai là. Moi, à chaque fois que j'écris quelque chose ou que je fais quelque chose, je reçois toujours soit une menace du crime organisé ou soit une menace en fait des mouvements pro travail du sexe. On m'interdit de parler, on va assister à mes événements pour les perturber. Personnellement, de mon côté et des camarades que je connais, on n'est vraiment pas dans ce genre de game-là. Fait que c'est clair qu'il faut voir aussi les rapports de pouvoir. Puis je veux dire, il faut quand même voir en fait que ça reste que mondialement, c'est une industrie qui est très oppressive pour une majorité de femmes et aussi pour l'ensemble des femmes. Donc c'est clair qu'il faut se rappeler ça, mais c'est clair aussi que faut respecter en fait aussi la parole des femmes, peu importe. Et puis évidemment, c'est clair que si Il y a des femmes qui se réclament d'une certaine identité ou d'un certain choix, évidemment. Ça demande un certain respect, comme plein d'autres femmes qui peuvent vivre des situations X, Y, que je qualifierais de violence, vont quand même les légitimer. Mais évidemment, c'est clair qu'on ne va pas non plus légitimer un système parce que, ben, tu sais, je veux dire, c'est comme si les travailleurs sont exploités, mais c'est parce qu'ils sont heureux qu'on va arrêter de lutter pour améliorer et pour enlever leur exploitation. Tu sais, c'est clair. Donc, c'est ça. Ben, évidemment, il y a plein de sports qui peuvent exister. Moi, je veux dire, il y a plein de femmes dans l'industrie qui auraient voulu, en fait, des syndicats, en fait, qui auraient voulu combattre directement leurs proxénètes, les clients, etc. Mais elles sont très déçues, en fait, des mouvements pour le travail du sexe et de certains organismes qui sont revendiques, parce qu'au final, ben, on peut penser à l'exemple de la danse contact qui a été légalisée ici en 1995. Ben, il y avait plein de danseuses, elles, qui attendaient d'avoir des associations, de combattre, de faire des moyens de pression, en fait, sur leur lieu, comme elles disent, là, peut-être de travail. Mais ça s'est jamais vu, en fait. C'est qu'au final, on se demande, ça défend les intérêts qui, c'est toujours ça qu'il faut se rappeler, en fait. C'est les intérêts qui, au final, qui sont défendus. Il faut toujours avoir une perspective aussi qui est transformative. Et évidemment, c'est clair qu'on peut pas non plus penser à abolir un système comme ça. Mais évidemment, il faut toujours garder ça en finalité, à mon avis. Voilà. Je sais pas si je réponds à la question. Oui, c'est parfait. Merci. Avant qu'on conclue l'entrevue, est-ce que tu pourrais nous dire comment les gens peuvent rester informés, se tenir au courant? Il y a comme une petite réorganisation, en fait, de mon côté dans mes milieux de militance. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, ben, il y a toujours la clé, la concertation de lutte contre l'exploitation sexuelle, qui tient quand même relativement bien au courant. Évidemment, sinon, il y a le CAF, qui sont toutes accessibles sur Facebook. Sinon, ils ont des sites web. Donc, la clé, CLES, sinon le CAF, CAFES. Évidemment, sinon, c'est clair que il y a toujours, là, évidemment, là, certains, c'est comme, faut quand même rester aux aguets, parce qu'évidemment, c'est ça, comme j'ai dit, c'est difficile être dans des milieux de militance en étant fervente et un peu révolutionnaire, parce que c'est ça, ça l'expose à beaucoup de dangers. Donc, c'est clair qu'il y a, des réseaux qui vont et qui viennent. Donc, à date, je pourrais malheureusement nommer que ces deux éléments-là avec lesquels je pense que c'est des bons réseaux sur plusieurs points, à mon sens. Donc, ce serait pas mal ça, évidemment, là, que je pourrais mentionner. Bien, merci beaucoup pour cette entrevue. Bien, c'est vraiment un grand plaisir. Et puis, je vous invite là, fortement à venir manifester là, le samedi à 16h au Square Philips. Et puis, là, on va essayer de perturber un peu là, en fait là, leur festivité de macho. Merci.